وشرعا إفراد الله تعالى بالعبادة. Et le sens religieux, c'est d'unifier Allah dans l'adoration. وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. Le monothéisme se divise en trois sortes. أولا توحيد الربوبية. Premièrement, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. ثانيا توحيد الألوهية والعبادة. L'unicité d'Allah dans la divinité et l'adoration. ثالثا توحيد الأسماء والصفات. Troisièmement, l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. أولا, premièrement, توحيد الربوبية. L'unicité d'Allah dans la seigneurie. وهو توحيد الله بأفعاله. Et c'est l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. Donc, توحيد الربوبية consiste à reconnaître qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est l'unique et il est le seul dans ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala. On verra après. Contrairement à tawhid al-uluhiyya, qu'on appelle tawhid al-ibadah, l'unicité d'Allah dans la divinité, qui est l'unicité d'Allah dans l'adoration, et là ça concerne les actes des adorateurs, les actes des créatures. Le premier concerne les actes du créateur et le second les actes des créatures. Le premier, les actes du créateur dans ce qu'il fait, Allah tabaraka wa ta'ala, il est seul, il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a personne pour être près de lui pour l'aider ou être associé à lui ou l'accompagner, rien du tout. Allah, il est l'unique. توحيد الألوهية والعبادة, l'unicité d'Allah dans la divinité et l'adoration. Nous, lorsqu'on adore, lorsqu'on accomplit une adoration, un acte de culte, on l'accomplit que pour Allah seul, sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Donc, il est le seul dans ce qu'il fait et il est le seul à être en droit de recevoir les adorations des adorateurs, subhanahu wa ta'ala. وتعالى وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul dans la création, dans le fait qu'il donne la subsistance. On appelle ça al-rasq, avec un fatha sur le ra. Il y a al-rizq avec un kasra, c'est la subsistance. Al-rizq, c'est la subsistance. Et al-rasq, c'est le fait de donner la subsistance. Et Allah, il est l'unique, le seul à donner la subsistance. Le fait de donner la vie, de donner la mort, la royauté, le jugement et l'ordre, et la gérance, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est le seul là-dedans. Bima'na al-iman بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر لكل شيء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. C'est-à-dire d'avoir la foi en Allah, glorifié soit-il et élevé soit-il, du fait de comme quoi il est le créateur, celui qui pourvoit, il est le roi, subhanahu wa ta'ala, le souverain, celui qui gère et qui décide de toutes choses. Personne ne peut rejeter son décret et personne ne peut décider après son jugement. Wa min adillati tawhid ar-rububiyya qawluhu ta'ala. Et parmi les preuves du monothéisme dans le domaine de la seigneurie, la parole d'Allah, inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujum musakhkharatin bi amrihi ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Dans le sens du verset, Allah dit, certes, votre Seigneur, c'est Allah. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est élevé au-dessus du trône. Il fait tourner la nuit avec le jour qui le demande rapidement. C'est-à-dire le jour, que lorsqu'il, la nuit elle arrive, il y a le jour qui demande à venir. Et puis après, il y a la nuit qui demande à venir. Continuellement, chacun demande à venir après l'autre. Qui fait tourner tout cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le soleil, et la lune, et les étoiles sont, Allah les a mis à son service, d'après son ordre. À lui appartient la création et le jugement. Qu'il soit béni, Allah, Seigneur des mondes. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون الأولون. Et cette sorte ou cette forme d'unicité a été reconnue par les premiers polythéistes. ولكن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. Mais cette reconnaissance et cette croyance ne les a pas fait entrer dans l'islam. Donc, d'avoir comme croyance qu'Allah existe et qu'Allah il est le seul créateur, le seul qui pourvoit ses créatures en leur donnant leur subsistance, le seul qui donne la vie, qui donne la mort, à lui appartient le jugement et l'ordre, il n'a pas d'associé là-dedans. Cette partie de la croyance ne fait pas de toi un musulman. Car il lui manque la suite. Et combien lorsqu'ils expliquent la ilaha illallah, ils se contentent de l'expliquer par la seigneurie. Alors qu'on vient de voir que les premiers polythéistes avaient cette croyance. Mais cette croyance n'a pas fait d'eux des musulmans. Et ça, c'est parce qu'ils ignorent la véritable signification de la ilaha illallah. Et celui qui ignore la signification de la ilaha illallah, il ignore la base même de l'islam. Il ignore la condition de validité de toutes les œuvres parmi les piliers, les obligations et les actes obligatoires dans la religion. Donc si quelqu'un ignore cela, qu'attendez-vous de lui? Comment se fait-il qu'on lui permette de prendre la parole, de monter sur le minbar, de se lever, de s'asseoir pour, soi-disant, prêcher et enseigner l'islam, alors que lui-même a besoin qu'on lui prêche l'islam? Subhanallah. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas donner. Subhanallah. Tu as de la compassion envers tes frères qui sont touchés par la famine et des maladies. Et tu voyages vers ces régions et ces pays qui sont touchés par ces problèmes. Mais tu viens les mains vides. Tu n'as aucun sou à leur donner, ni aucune nourriture à leur apporter. Mais tu viens pour les accompagner dans cette famine, dans cette maladie. Pour que toi, tu te rajoutes au nombre des malades et des gens qui ont faim. Subhanallah. Pourquoi t'es venu? Ben, j'avais de la compassion pour vous. J'avais une bonne pensée pour vous. Oui, mais pourquoi t'es venu? Pourquoi es-tu venu? Nous, on croyait, en te voyant arriver, que tu avais quelque chose à nous apporter. En fin de compte, dans le mal qu'on vit, tu nous rajoutes dans ce mal. On était 10, maintenant on est 11. Ça, c'est pour une question mondaine. Mais que dire de la religion? Comme Jama'at al-Tablir, qui voyage. Ils disent, pourquoi tu voyages? Pour prêcher l'islam. Connais-tu l'islam? As-tu étudié l'islam? As-tu des connaissances, des bases dans la religion? Connais-tu en plus de cela la région dans laquelle tu vas? Connais-tu les problèmes qu'ils vivent, leur situation? Es-tu prêt à répondre à leurs questions et à leurs problèmes? Subhanallah. À toi, il t'est demandé de t'asseoir et d'apprendre. Ceci ne t'empêche pas de parler avec ton voisinage, avec ta famille, avec tes collègues de travail, tes camarades de classe, dans ce que tu sais. Tu te contentes de cela. Mais de prendre tes bagages pour faire des voyages, qui te l'a demandé ? Innovation inventée. Jamais le prophète n'a enseigné cela. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Abu Moussa al-Ash'ari de partir prêcher l'islam au Yémen. Depuis Médine jusqu'au Yémen. Plus de 1000 km ou 1500 km. À l'époque, combien de temps il fallait pour atteindre avec les problèmes qu'il y avait et les dangers de la route. Il n'a pas dit qui veut sortir avec lui. Qui veut. Et après, pour faire peur aux gens, qui a l'intention ? Tu n'as pas à avoir l'intention de faire un acte qui n'est pas sunnah. Subhanallah. Il envoie Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, tout seul. Il envoie Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, tout seul, pour prêcher l'islam. Et à Mu'adh, il lui a dit, je t'envoie dans une région des gens du livre. Que la première des choses à laquelle tu les appelles soit l'unicité d'Allah et que je suis son messager jusqu'à la fin du hadith. Cette façon de prêcher n'existe pas. De vouloir prendre la place des savants et de ceux qui ont la science dans l'islam, ça ne t'est pas demandé, c'est interdit. Mais dans la religion, parce que la personne elle est musulmane, elle se croit tout permis. Je suis musulman, j'ai mon droit de réponse, moi aussi. J'ai le droit de parler. Eh ben moi, le verset, je ne le comprends pas comme toi. Et le hadith, je ne le comprends pas comme toi. Et moi, je crois que l'islam, il dit comme ça. Voilà, c'est très beau, subhanallah. J'ai une lecture qui n'est pas ta lecture. À chacun sa lecture. Subhanallah. Allahul Musta'an, où est-ce qu'on va ? C'est comme si on laissait les gens entrer dans les hôpitaux et prendre la place des médecins. Quel désastre ! Hein ? Quel désastre ! Subhanallah. La personne, lorsqu'elle veut acheter de la viande, il sait qu'il faut aller chez le boucher. Il va acheter du pain, il va chez le boulanger. Tout le monde, ça, le comprend. On n'a pas besoin de cours pour ça. Comprenez que la religion, il y a des personnes qui maîtrisent la religion et c'est vers eux, ce sont les ulama. Et Allah a dit dans le Coran, « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun ». Demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Tu ne sais pas, il ne t'a pas dit, va regarder dans les livres. Tu peux lire des livres pour ton apprentissage personnel, pour ta curiosité, tu peux. Mais de déduire des livres de toi-même, des règles. Ah, j'ai lu un hadith, donc je comprends de ce hadith que j'ai le droit de faire ça. Ça ne t'est pas demandé. Ou quelqu'un qui dit, j'ai cherché dans le Bukhari, j'ai pas trouvé, mais qui t'a dit de chercher dans le Bukhari ? Subhanallah. Ne prends pas une fonction qui n'est pas la tienne. Tu ne sais pas, Allah il t'a dit, tu demandes aux gens de science. Ça, c'est une question qu'il faut bien comprendre et bien assimiler. Les gens, ils poussent même. La personne, elle sort avec eux. Ah, mais je ne sais pas quoi dire. Lève-toi. Allah, il va te mettre la lumière. Allez, lève-toi. Lève-toi, ça va venir. Mais si la science, elle était comme ça, pourquoi le prophète ne l'a pas dit aux compagnons ? Et le prophète a dit, la science ne vient qu'avec l'apprentissage. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Subhanallah. Et il a parlé de celui qui va à la recherche de la science. Il n'a pas dit, il te suffit de te lever. Et avec ta bonne intention, eh ben c'est bon, la lumière elle va venir et la science elle va venir. C'est quoi ? C'est de la révélation ? Il n'y a plus de révélation après la mort du prophète Mohammed sallam. Il n'est révélé qu'aux prophètes et messagers. Subhanallah. Donc, quelqu'un qui vous trahit dans la signification de la ilaha illallah, il n'y a pas grand chose à attendre de lui. Subhanallah. Quelqu'un qui vous trompe dans ce qui fait entrer au paradis et au contraire peut te faire entrer en feu de l'enfer, Wallahi, s'il t'a trahi là-dedans, t'attends quoi de lui ? Subhanallah. Mais qu'est-ce qui lui est demandé? C'est d'apprendre. Et nul n'est venu dans ce monde en connaissant. Allah dit dans le Coran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Vous ne saviez rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se pose des questions. Il médite sur la création. Mais il n'a pas la révélation. Il n'accepte pas ce que font son peuple. Il n'est pas d'accord. Depuis tout petit, il n'a jamais adoré les statues. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il commence à s'isoler et à aller dans la grotte et à méditer jusqu'à que l'ange vienne à lui avec la révélation. Et avec la révélation, il a su comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, il ne savait pas. Allah lui dit وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et il t'a enseigné. Allah t'a enseigné, ô toi prophète, ce que tu ne savais pas. Et les bienfaits de ton Seigneur sur toi sont énormes. Lorsque Jibril alayhi salam vient dans la grotte, le prophète, il est pris de frayeur. Il ne sait pas c'est qui, cet étranger qui se présente à lui. Comment il, d'où il est venu? Et il lui dit, Iqra. Une erreur de traduction qui est souvent commise. C'est que les gens traduisent par « lit ». En français, lorsqu'on dit « lit », c'est qu'on a quelque chose d'écrit devant nous. Mais si on demande à quelqu'un de parler de lui-même, de sa mémoire, un écrit ou une poésie, on ne lui dit pas « lit », on dit « récite ». On dit « récite », comme on dit « réciter une poésie ». Pourquoi on dit « réciter une poésie » ? Parce que c'est une poésie qu'on t'a demandé d'apprendre par cœur. Et quand tu te présentes, on te demande de la réciter. Mais si on te dit « lis », c'est que tu as quelque chose devant toi, un livre devant toi, un cahier où il y a de l'écriture, et tu lis. Taïeb. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui a rien présenté. D'une. Deuxièmement, et ça c'est un des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète, il ne sait ni lire, ni écrire. Donc Jibril ne lui a pas demandé de lire. Parce qu'il ne sait ni lire, ni écrire. Mais il lui a demandé de réciter. Il lui a demandé de réciter. Et en arabe, iqra, on peut y comprendre la lecture et on peut y comprendre la récitation. Donc la traduction pourrait être un peu plus minutieuse, précise. Sinon, quelqu'un pourrait croire qu'il y a de la contradiction. Hein, on lui demande de lire, mais le prophète ne sait ni lire, ni écrire. Et ça, c'est un des miracles du prophète qui ne sait ni lire ni écrire et qui est venu avec ce livre. Et c'est bien une preuve comme quoi il vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il lui a dit, lis et récite. Il a dit, que dois-je réciter? Et à la fin, il lui a ramené les premiers versets de la sourate, le caillou de sang, Al-Alaq. Taïb. Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, il n'acceptait pas le polythéisme. Il était sur la saine nature, al-fitra. Et il se levait dans la nuit en prosternant. Il se prosternait pour Allah. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas comment adorer Allah. Qu'est-ce qu'il trouvait à faire? C'est de se prosterner. Et il a entendu qu'il y a un homme qui se dit prophète à la Mecque. Il a envoyé son frère. Il lui a dit, va écouter ce qui se dit à la Mecque et ramène-moi les informations. Son frère, il revient et lui dit, il y a un homme qui appelle à ce que toi tu veux. Il appelle à l'adoration d'une seule divinité qui est Allah et de ne pas adorer quoi que ce soit en dehors de lui. Il a voulu plus se rassurer, il est parti de lui-même. Et c'était dangereux parce que Quraysh faisait la chasse aux gens qui veulent se convertir. Et il a trouvé Ali, radiyallahu anhu, à côté de la Kaaba. Et il lui a dit de le suivre sans se faire remarquer. D'une façon à ne pas se faire remarquer. Et il l'a ramené au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, à quoi tu appelles? Et le prophète lui a donné les bases de la religion. Et Abu Dhar, il rentre dans l'islam. Plus tard, Abu Dhar, les compagnons lui demandent, mais dans quelle direction tu te prosternais à cette époque-là? Il répond, là où Allah me dirige. Je ne sais pas. Une fois, je me prosterne à telle direction, il n'a pas de direction précise. Mais avec la révélation et avec la science authentique, il a su comment réellement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez les 10 compagnons promis au paradis, hein, les 10. On commence par les 4 califes et les 6 autres. Radiallahu anhum ajma'in. Abu Bakr, vous avez du mal, hein? Subhanallah. Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, radiallahu anhum, ça c'est facile. Ce sont les 4 premiers califes. Et ils sont dans l'ordre de préférence. Et ils ont gouverné dans l'ordre de préférence. Radiallahu anhum ajma'in. Puis il y a Az-Zubayr ibn al-Awwam. Non. Az-Zubayr ibn al-Awwam. Non. Saad qui? Saad ibn Abi Waqas. Saad ibn Abi Waqas. Allez, on continue. Hein? Talha, naam. C'est qui a dit Talha? Talha ibn Ubaidillah. Ewa? Abdurrahman ibn Auf. C'est très bien. Qui encore? La Zubayr a été dit. Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah, radiallahu anhu. Et subhanallah, c'était sans le vouloir, mais le dernier, c'est celui que je voulais. Alors le dernier, bon, ça, je pense que ça va être difficile pour vous. Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd, radiallahu anhu. Hada Saïd ibn Zayd, radiallahu anhu, ce grand compagnon, son père était monothéiste. Son père était monothéiste. Son père, il s'appelle Zayd. Saïd ibn Zayd. Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Le prophète Mohammed s.a.w. nous en parle. Ça, c'est un homme que même le prophète, avant la prophétie, il l'a rencontré. Il était à la Mecque. Et c'est un homme qui venait devant la Kaaba et il contrait les polythéistes. Et il leur disait qu'il ne fallait pas adorer les idoles, qu'il fallait adorer Allah seul. Et ils l'ont traité de tous les noms, ils l'ont même frappé, et ils l'ont rejeté jusqu'à qu'il a désespéré en eux. Et il les a quittés. Et il est parti à la recherche des chrétiens. Lorsqu'il est venu chez des moines chrétiens, non, excusez-moi, là, en premier lieu chez les juifs, il est parti. Et il est parti chez des rabbins. Les rabbins, ce sont les savants chez les juifs, qu'on appelle en arabe l'ahbar, jam'u habr. Et il leur a dit, vous êtes des gens du livre, et vous connaissez la religion. Dirigez-moi vers le chemin sur lequel était, la voie sur laquelle était Ibrahim alayhis salam. Ils lui ont dit, si tu cherches un chemin dans lequel il y a la colère d'Allah, suis le nôtre. Ils ont témoigné. Ils reconnaissent qu'ils sont sous la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il leur a dit, mais moi j'ai fui la colère d'Allah. Si j'ai laissé mon peuple, pourquoi? C'est pour fuir la colère d'Allah. Et il les a délaissés et il est parti voir des moines chrétiens. Il leur a dit, dirigez-moi vers la voie sur laquelle était Ibrahim alayhi salam, le pur monothéisme. Et ils lui ont dit, il n'y a plus grand monde sur ce chemin aujourd'hui. Mais retourne de là où tu viens. Retourne à la Mecque. Car on sent que c'est l'époque où sortira le dernier des prophètes. Le dernier prophète. Et il part pour retourner à la Mecque. Quraysh, en apprenant son retour, envoie des hommes pour l'assassiner. Ils ne veulent plus le voir. Et il est assassiné. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'informe de ce qui est arrivé à cet homme. S'il était assassiné dans le désert, mais il y a un Seigneur qui voit tout. Subhanahu wa ta'ala. Cet homme, il a fait cela pourquoi? C'est son chemin pour chercher la foi. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il est conscient. Il est sur la saine nature, sur le fitra, qui ne doit adorer que Allah. Mais il ne sait pas comment adorer Allah. Il n'a pas la lumière qui est la science de la révélation. Et le prophète sallam a dit, cet homme, le père de Saïd, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il sera ressuscité yom al-qiyamah avec la valeur de toute une communauté. Yub'athu yom al-qiyamah ummatan wahda. Pour ce travail qu'il a accompli. Regardez l'histoire de... C'est une très belle histoire. Les compagnons, ils aimaient la demander à Salman al-Farisi, Salman le persan. Ils aimaient lui demander comment t'as connu l'islam. Subhanallah. Salman, c'est un perse. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Iraniens. C'est des perses. Et son père, c'est un gardien du feu. Eux, c'est des adorateurs du feu. On les appelle les mages, les zoroastriens. En arabe, on les appelle les majous. Et son père l'a envoyé pour une mission. Et il s'est attardé. Pourquoi ? Parce que sur le chemin, il entend les prières d'un monastère. Et il a été attiré par ces prières. Et il passait du temps là-dedans. Son père, il a compris à un moment que son fils côtoie ce monastère, alors qu'il lui avait interdit d'y aller. Et il l'a enchaîné. Il l'a enchaîné. Un jour, il a réussi à se défaire de ses chaînes. Et il est parti et il a dit à ses moines, « Dès que vous entendez parler d'une caravane qui va en Palestine, vous me le dites. » Il va aller dans la terre bénie de Palestine. Fisham. Parce que, bien que ce n'est pas une terre sacrée, parce que de sacré, de lieu sacré, limité, il n'y a que la Mecque et Médine. La Mecque, elle a été limitée par qui ? Ibrahim alayhi salam. Et Médine a été limitée par qui ? Par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire que ces limites, un mécréant n'a pas le droit de s'y introduire. Il n'a pas le droit de s'y introduire. Tayyib. Et concernant la Palestine, et plus précisément Beit al-Maqdis, Jérusalem, ça c'est un territoire, tout le Shem, c'est un territoire béni. C'est un territoire béni. Comme Allah dit dans le Coran, « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. » Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son adorateur et son serviteur depuis la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée lointaine, Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire celle qui est la plus loin. Et certains ulama disent que là il est fait allusion qu'il y aura une mosquée entre les deux. Et entre les deux plus tard, il y aura quoi comme mosquée ? La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-Masjid al-Aqsa, c'est la mosquée la plus lointaine. C'est la mosquée de Beit al-Maqdis, dont on a béni les alentours. Alladhi barakna hawla. Tayyib. Salman al-Farisi, il arrive donc fait Beit al-Maqdis. Et il se rapproche du grand doyen chrétien, le grand prêtre de l'époque, qui était là-bas. Et il est à son service. Il est à son service pour pouvoir apprendre de lui. Cet homme viendra à mourir. Et les gens vont vouloir lui faire des grandes funérailles. Il va leur dire, écoutez, il témoigne, parce que c'est une vérité. Les gens ne le savent pas, mais lui, il était à son service, il était proche. Il leur a dit, il n'est pas l'homme que vous croyez. C'était une mauvaise personne. Il ramassait tout ce que vous donnez, comme bien, comme richesse, comme argent, comme or. Mais c'était que pour remplir les coffres. Et il leur montre l'endroit où il y a les coffres. Jamais il a donné en aumône. Jamais il n'a distribué ce que vous lui avez donné. Non, il s'est amassé toute cette richesse. Subhanallah. Il a privé les gens dans le besoin et les pauvres de ces biens qui lui ont été mis à sa disposition. Et là, les gens ne lui ont pas fait ces grandes funérailles. A pris sa place un autre grand prêtre, mais celui-là, c'était un homme bien. Et avant qu'il meure, Salman al-Farisi, il lui dit, vers qui tu me diriges? Il lui a dit, va à tel endroit, il y a un homme qui est encore sur le bon chemin. Et ainsi de suite à plusieurs reprises. Donc il va voyager entre la Palestine, la Syrie, l'Irak, pas loin de la Turquie, toute cette région, jusqu'au dernier d'entre eux. Il a fait ça, là, d'après le récit, 5-6 fois. Au dernier, il lui a dit, avant qu'il meure, il lui a dit, vers qui tu me diriges? Et il lui a dit, il n'y a plus personne. Et il lui a dit, mais va dans la péninsule arabique. Car de là-bas sortira le dernier prophète. De là-bas sortira le dernier prophète. Et il lui a donné la description du prophète. Et il lui a dit, c'est un homme qui accepte les cadeaux, mais qui n'accepte pas l'aumône. Et derrière son dos, il y a le sceau de la prophétie. Et il lui a décrit aussi le lieu où il émigrera. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est cité dans la Torah et il est cité dans l'Évangile. Ce qui a été révélé à Isa, Jésus, alayhi salam, ce n'est pas la Bible, hein, c'est l'Évangile. Mais la Bible, c'est une compilation. C'est un recueil qui regroupe plusieurs livres. Donc la Bible, c'est le livre. Et c'est pour ça que l'endroit où il y a des livres, on appelle ça bibliothèque. La même racine. Donc dedans, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a les psaumes de David. Avec tout ce qu'ils ont fait comme rajout et enlèvement. Mais voilà, c'est ça la Bible. Mais ce qui a été révélé à Issa, c'est l'Évangile. Mais eux, comme ils ont plusieurs versions de l'Évangile, donc il y en a plusieurs dans la Bible. L'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Thomas. L'Évangile selon Paul. L'Évangile selon Barnabé. Et ainsi de suite. Ce sont les apôtres, qui, soi-disant, qui rapportent les Évangiles. Taïb. Dans l'Évangile et dans la Torah, il est parlé du prophète Mohammed. Et il est même parlé des compagnons. Et il est même parlé des compagnons, radiallahu ta'ala, anhum. Il est parlé d'eux dans la Torah et dans l'Évangile. Comment on le sait? Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit. Il nous dit ce qu'il y avait dans la Torah et ce qu'il y avait dans l'Évangile. Et Allah nous dit, الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ceux à qui on a donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ils reconnaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Salman, radiallahu anhu, il trouve une caravane qui va en Arabie, d'une tribu arabe. Et il vient, et il avait entre-temps amassé un peu de richesse et un peu de troupeau. Il leur a dit, je vous donne ce que j'ai pour que vous m'emmeniez en Arabie. Ils ont accepté. Mais en route, ils l'ont trahi. Et ils n'ont pas tenu parole. Et ils l'ont pris comme esclave. Et ils l'ont pris comme esclave. Puis, ils l'ont vendu à un juif. Mais ce juif, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il habite? Il habite à ce qu'on appelait à cette époque Yathrib. C'est-à-dire que dans un mal, c'est un bien qui est en... Allah lui facilite la tâche. Cette ville dans laquelle le prophète va émigrer, ben tu y seras. Subhanallah. C'est là où on voit un mal, en découle un bien. Et Salman, donc, il est au service de son maître juif. Et un jour, alors qu'il est sur le palmier, en train d'enlever les dattes, et son maître, il est en bas, il y a son cousin qui arrive en courant, et il lui dit, le prophète des Arabes arrive, c'est l'immigration. Salman, il dit, pris de joie, j'ai failli tomber de l'arbre. Il ramasse un peu de dattes dans un panier, un soir, et il se présente devant le prophète, sallam. Et il lui dit, c'est un cadeau, un présent de ma part. Le prophète prend les dattes et il regarde. Et le prophète mange des dattes et il en donne à ses compagnons. Plus tard, il revient avec un autre panier de dattes. Et il lui dit, c'est une aumône. Et il regarde. Et le prophète prend le panier et il le donne à ses compagnons. Mais il n'en mange pas. Ah, il dit, ça fait deux signes. Et il lui manquait un troisième. Et un jour, il arrive pour chercher le prophète. Et il voit que le prophète, il est à Al-Baqiya, le cimetière de Al-Baqiya, dans lequel sont enterrés les compagnons, les musulmans, jusqu'à nos jours, qui est juste à côté de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sont enterrés dans ce cimetière plus de 10 000 compagnons, radiallahu anhum ajma'in. Et le prophète, avec les compagnons, est en train ils ont enterré un musulman, un compagnon qui venait de décéder, rahimahullah, radiallahu anhu. Et Salman tourne autour du prophète. Il essaye d'apercevoir le sceau de la prophétie. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui sourit et lui dit, c'est le sceau de la prophétie que tu veux voir? Il lui dit oui. Et il baisse son vêtement et il le voit. C'est une chair de peau qui est regroupée à l'omoplate arrière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le haut du dos, sur le côté. Hein, là, il est dit que ça a de la taille d'un œuf de pigeon. C'est le sceau de la prophétie. Et Salman s'est empressé sur le dos du prophète pour l'embrasser, radiallahu anhu. Puis les musulmans l'ont racheté à son maître et il a pris sa liberté, radiallahu anhu. Et plus tard, les compagnons, il leur arrivait de lui demander son histoire parce qu'elle est superbe, hein, c'est cette recherche qu'il a fait pour trouver la foi. Et Cheikh Al-Hudhayfi, l'imam de Médine, le grand savant Ali ibn Abdurrahman Al-Hudhayfi, hafidhahullah ta'ala, il ramène un peu ses récits dans une conférence qui est très très belle, qu'il a fait dans un séminaire à Riyad, où il explique ce grand bienfait, cette lumière qu'on a entre nos mains, mais que beaucoup négligent. Et regardez les gens qui ne l'avaient pas et tous les efforts qu'ils ont fait pour l'atteindre. Subhanallah. On a le Coran et on a la Sunna, c'est la lumière. Pour sortir des ténèbres, il nous faut la lumière. Et c'est la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la révélation. Mais la révélation lui est arrivée et il a eu la lumière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ce qui nous fait sortir des ténèbres vers la lumière. Puis il ramène l'histoire de Abu Dhar, l'histoire de Zayd ibn Amr ibn Nufayl, subhanallah. Et il dit, une personne avec la saine nature à elle seule, il ne peut être guidé vers la droiture. Il est seulement prédisposé. Une personne qui n'a pas été corrompue par des mauvaises idées, des mauvaises opinions, des mauvaises doctrines, il est prédisposé. Il est sur la saine nature, l'al-fitra. C'est-à-dire que lorsqu'il va entendre la vérité, il va l'accepter. Mais les gens qui discutent la vérité, c'est parce qu'ils ont été corrompus. Leur saine nature, elle a été corrompue. Elle n'est plus ce qu'elle était. Subhanallah. Les démons et les diables parmi les humains et les djinns ont participé à cette corruption. Donc, la saine nature à elle seule, elle fait que tu es prédisposé à accepter la vérité lorsqu'elle vient. C'est comme les yeux qu'on a. Vous avez vu les yeux ? Un aveugle, il a des yeux. Un aveugle, il a des yeux. Mais ses yeux ne sont pas prédisposés à la vue. Donc il ne peut pas voir. T'allumes la lumière ou tu l'éteins, c'est pareil pour lui. Que le soleil s'est levé ou qu'il s'est couché, c'est pareil pour lui. Il ne voit pas. Celui qui n'est pas aveugle, il est prédisposé à la vue. Mais il ne peut pas voir tout le temps. Il ne peut voir que s'il y a lumière. Il est prédisposé, mais pour qu'il voie, il lui faut la lumière. Allume la lumière pour que je puisse voir. Voilà. La lumière, elle est éteinte, je ne vois rien. J'allume la lumière, je vois. Je ne vois rien, j'ai une torche pour voir devant moi. Taïb, c'est la nuit, je ne vois rien. Il fait jour, je vois. Je suis prédisposé, mais je ne peux voir que s'il y a lumière. De même, pour la saine nature. La saine nature fait que tu es prédisposé, mais pour la guider, il te faut la lumière de la révélation, le livre d'Allah et la sunna du prophète, عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. Cette reconnaissance de l'unicité d'Allah dans la seigneurie ne les a pas fait entrer dans l'islam. لعدم إقرارهم بلازمه وهو توحيد الألوهية. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reconnu ce qui doit découler de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, qui est l'unicité d'Allah dans la divinité. C'est-à-dire, si vous reconnaissez que Allah, il est le seul à avoir créé, personne n'est avec lui, c'est Allah qui donne tout, qui donne toute la subsistance et tous les bienfaits nous proviennent d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que Allah, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Allah possède tout, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi donc alors vous donner une adoration à autre que lui? Subhanallah. Si vous avez cette reconnaissance, alors reconnaissez qu'il est le seul à être en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre en dehors de lui. Qu'ont-ils fait pour pouvoir être, pour se permettre de recevoir une quelconque adoration? Ont-ils participé à la création? Ont-ils participé à la donation des subsistances? Ont-ils participé dans la donation de la vie et la mort? Non, ils ne participent. Vous le reconnaissez? Donc, ne leur donnez aucun acte d'adoration. Les actes d'adoration sont propres et réservés exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah leur rappelle cela, nous rappelle cela lorsqu'il nous cite les versets concernant son unicité dans sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel. Si vous reconnaissez qu'Allah il est le seul, alors adorez lui seul subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont en complète contradiction, les polythéistes. D'un côté ils reconnaissent l'unicité d'Allah dans la seigneurie, et au final ils en arrivent à aller adorer autre que lui subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, le Très-Haut a dit: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu viens à questionner Quraysh, ces polythéistes face à toi, qui ne veulent pas dire la ilaha illallah, qui s'enflent d'orgueil lorsque tu leur dis dites la ilaha illallah, et qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu viens à les questionner qui a créé les cieux et la terre, ils te diront les a créés le puissant, celui qui sait tout. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Et si tu viens à les questionner qui les a créés eux-mêmes, ils te diront c'est Allah. Mais ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Ce sont des gens qui ne méditent pas. Ce sont des gens qui ne se rappellent pas. وَالْأَدِلَّةُ عَلَى رُبُوبِيَّةِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَثِيرَةٌ لَا تُعَدْ وَلَا تُحْصَى عَقْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ نَقْلِيَّةٌ. Et les preuves sur l'unicité d'Allah dans la seigneurie, l'unicité du Créateur, glorifié soit-il et élevé soit-il, sont nombreuses et on ne peut les dénombrer ni les compter, que ce soit des preuves de par la raison ou des preuves dans les textes. Fal makhluq dalil ala wujud al khaliq wal masnu' dalil ala wujud al sani' wal masnu' la yujid nafsuhu بل لا بد له من موجد وهو الله سبحانه وتعالى. La créature est une preuve en elle-même sur l'existence du Créateur. Donc celui qui a été créé en lui-même est une preuve de l'existence du Créateur سبحانه وتعالى, et son, parce qu'il n'est pas venu de lui-même, et son Créateur c'est Allah سبحانه وتعالى. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Allah dit, ont-ils été créés de rien? Ou alors sont-ils eux-mêmes les créateurs? Wa qala ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Et sur terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude. Et en vous-même, ne voyez-vous pas? Et au ciel se trouve votre subsistance, ainsi que ce qu'on vous a promis. Il a réuni ذلك من النصوص التي تدل على كمال قدرته تبارك وتعالى. Et plein d'autres textes religieux qui prouvent la perfection de sa capacité. Glorifié soit-il et élevé soit-il. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Et en toute chose, il y a un signe qui prouve qu'il est l'unique. Subhanahu wa ta'ala. توحيد الألوهية والعبادة. L'unicité d'Allah dans la divinité et dans l'adoration. وهو توحيد الله بأفعال العباد. Et c'est l'unicité d'Allah dans les actions des serviteurs. التي خلقهم لها وأوجدهم من أجلها. Donc c'est l'unicité d'Allah تبارك وتعالى dans les actions des serviteurs. Ces actions pour lesquelles Allah les a créées et leur a donné existence. Kassalati, wassawmi, wazzabh, wannadr, walistighatha, wa ghayri thalika min anwa'il ibadah. Comme la prière, le jeûne, l'immolation, l'égorgement des bêtes, annadr, les prises d'engagement qu'on traduit parfois par le vœu, Al-Istirath à la demande de secours et plein d'autres formes d'adoration. Donc la prière, c'est une adoration. Le jeûne, c'est une adoration. L'immolation de la bête, le fait d'immoler la bête, c'est une adoration. Certains, peut-être qu'ils ont mal compris. En voulant expliquer que les viandes qui sont vendues en France ou en Europe, elles sont à la base licites. Dans leur explication qu'ils ont donnée, ce sont des frères de France, Inch'Allah bien intentionnés et bien motivés pour cela, mais qu'on ne partage pas la finalité de leur écrit. On dit qu'il fallait faire la distinction entre les bêtes qu'on immole à des moments où il est demandé d'immoler, et que ça, c'est une acte d'adoration. Et que ceux qui disent que l'immolation est une adoration, qu'ils ont mal compris. Non. Deux choses à distinguer. L'immolation en elle-même, qui est le fait d'égorger la bête. Et la raison pour laquelle tu égorges la bête. L'immolation en elle-même est un acte d'adoration. Mais si elle est demandée, s'y ajoute un autre acte d'adoration. D'immoler la bête pour l'Eid, l'Adha, la fête du sacrifice. Donc cette bête, tu l'immoles. L'immolation elle-même, c'est une adoration. Mais c'est pour une adoration, c'est pour l'Eid, l'Adha. Même si tu ne manges pas de cette bête, tu te dois de l'immoler. Si tu entres dans les conditions, tu as la capacité de le faire et les moyens de le faire. Taïb. L'immolation à faire pour le pèlerinage, qu'on appelle el-hadi, c'est une autre, même si elle se fait le même jour que l'Eid, mais ça c'est pour le pèlerin. On appelle ça el-hadi. C'est l'offrande que ramène le pèlerin. Taïb. Cette immolation, l'action en elle-même est une adoration. Mais en plus, c'est là, parce que ce jour-là, en tant que pèlerin, il t'est demandé, c'est une adoration. Taïb. Tu as une naissance. Tu te dois de faire al-aqiqa. Qu'est-ce que l'aqiqa? Ce n'est pas une invitation. Al-aqiqa, c'est l'immolation de la bête pour le nouveau-né. La raison, c'est parce que tu as eu un nouveau-né. Sinon, à la base, une invitation, ce n'est pas demander. Mais la personne peut faire partager ses frères et les sœurs pour cette joie de nouveau-né. Mais de croire qu'il est demandé d'inviter, ça devient une innovation. Parce que cela, à la base, ce n'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est l'immolation, et c'est ce qu'on appelle al-aqiqa. Donc, le faire pour al-aqiqa, ça, c'est une adoration. Et l'action en elle-même est une adoration. Taïeb. En dehors de cela, tu immoles une bête pour la consommation. Tu ne le fais pas par amusement, parce que tu as envie de tuer une bête. Non, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu le fais pour une raison, c'est te nourrir et nourrir les autres. Pour te nourrir et nourrir les autres. Taïb. De le faire comme cela, pour cette raison-là, ce n'est pas un acte d'adoration. C'est une chose habituelle de la vie. On se nourrit. Taïb. Mais l'action en elle-même d'immolation, c'est une adoration. Et c'est pour cela qu'il faut immoler au nom d'Allah. Et que l'immolation qui a été faite pour autre que Allah, elle devient une charogne, une bête morte. On n'a pas le droit de la consommer. Taïb. بمعنى صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. C'est-à-dire de diriger toutes ces adorations, toutes ces sortes d'adorations pour Allah seul, l'unique qui n'a pas d'associé. فلا يدعى من دونه أحد من خلقه. Personne dans sa création ne doit être invoqué en dehors de lui. La malakun muqarrab wa la nabiyun mursal. Même pas un ange rapproché et ni un prophète envoyé. Donc si on n'a pas le droit de donner l'adoration à un prophète envoyé et à un ange rapproché, alors vous avez déjà la réponse qu'en dehors d'eux, personne n'est en droit de recevoir une quelconque adoration. Parce que si quelqu'un dit « Oui, mais lui, c'est un homme vertueux. » Eh bien, les prophètes sont bien plus vertueux que ces hommes. Et ils sont plus saints que ces hommes. Et ils sont plus élevés, meilleurs que ces hommes. Aucun homme est au-dessus d'un prophète. Et avec ça, on n'a pas le droit d'adorer un prophète. Pour ne pas entendre certaines personnes dire « Oui, mais Quraysh, c'est parce que c'était des pierres qu'ils adoraient. Ils adoraient des statues. » Les gens n'ont pas compris que les statues, c'est un exemple de polythéisme. Et le polythéisme, c'est de vouer un culte à autre que Allah, quel qu'il soit et quelle que soit cette chose. فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Celui qui dirige une de ses adorations à autre que Allah devient polythéiste et mécréant. كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Comme Allah, glorifié soit-il et élevé soit-il, nous dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي أي ذَبْحِي لِلْحَيَوَانِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dans le sens du verset, dit ma salat, ma prière, mon offrande, mon immolation des bêtes, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, qui n'a pas d'associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier des soumis. Wa qala ta'ala, wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, il agit ainsi alors qu'il n'en a aucun droit, il n'a aucune preuve qui viendrait légitimer son agissement, alors son jugement sera auprès de son Seigneur. Certes, ne réussiront pas, ne gagneront pas les mécréants. C'est-à-dire qu'avec cette action-là qu'ils ont commise, ils deviennent mécréants. فَقَدْ اتَّضَحَ مِمَّا تَقَدَّمْ إِنَّمَا يَصِلُ ثَوَابُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il manque une page. Parce que de la page 14, je me retrouve à la page 5. Taïb. On continue. Taïb, ça c'était un autre sujet. On continue. Et Allah dit: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et lorsque les gens seront ressuscités devant leur Seigneur, ces divinités qu'ils adoraient, qu'ils invoquaient en dehors de lui, seront leurs ennemis. Et ils nieront les adorations qu'ils leur ont données. C'est-à-dire, ces gens-là se sont fatigués dans tous les sens du terme. Subhanallah. Ils ont voulu donner des adorations à des créatures, et le jugement dernier, ces créatures mécroiront en eux, les rejetteront, se désavoueront d'eux, et ils seront leurs ennemis. Wa ha'ula al-mauta fi quburihim la yamlikuna li anfusihim shay'an fadlan an an yamliku li ghayrihim. Et les morts qui sont adorés en dehors d'Allah dans leur tombe, ces morts que les gens invoquent et adorent en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien pour leur propre personne. Comment pourraient-ils posséder alors pour les autres? كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. Comme il est dit, celui qui ne possède pas une chose ne peut la donner. فإذا كان لا يملك نفعا لنفسه فمن باب أولى وأحرى أن لا يملك ذلك لغيره. Donc, s'il ne possède rien pour sa propre personne, alors on comprendra encore plus qu'il ne possède rien pour les autres. بَلْ لَا يَمْلِكُ النَّفْعُ وَالضُّرْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Et le bien et le mal ne le possède que Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ تَعَالَى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah nous dit dans le sens du verset, si Allah te touche par un mal, personne ne pourra te l'enlever. Et si Allah te touche par un bien, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.